Dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie en cette édition du 25 mars 2010. Et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Comme vous le savez, nous sommes écoutés en Europe et en Amérique, dans toute la sphère québécoise et française. Alors, c'est bien intéressant. Bonjour à vous aussi là-bas, en Belgique, en espérant voir des auditeurs aussi dans ce coin-là. Alors, merci toujours d'être à l'écoute de l'émission. Alors, voilà quoi, cette semaine, nous allons parler de quoi? Bien, on va parler d'un tas de sujets aussi. On va essayer de couvrir ce qui concerne un peu les nouvelles sur le Moyen-Orient. C'est de mettre les pendules à l'heure. Alors, j'ai une couple de nouvelles concernant une couple de pays dans ces régions pour aller atterrir en santé avec différentes nouvelles, autant dans l'actualité, dans la sphère québécoise, canadienne qu'internationale, avec quelques nouvelles après ça dans l'actualité mondiale. Donc, on devrait couvrir pas mal de territoires. Alors, je vous invite à rester ici pour l'heure et demie. Et puis, bien sûr, de passer l'information, propager l'information. N'hésitez pas aussi d'aller faire votre tour sur la page des Nouvelles internationales. Vous allez trouver tous les articles en lien comme à chaque semaine. Alors, tous les articles dont je parle ici sont documentés et puis sont disponibles après ça sur les Nouvelles internationales, sur lesquelles aussi vous pouvez trouver un lien pour aller sur le site de YouTube. Alors, L'Autre Monde a un site de YouTube. Alors, les émissions sont découpées en sections. Vous pouvez les propager à travers l'Internet aussi. Et il y a un lien pour Twitter, alors vous pouvez aussi tweeter des infos. Alors, laissez-vous aller, on est bien mainstream, bien ancré, on est là, et puis nous sommes ici pour fendre à travers la désinformation, et puis être là pour vous livrer la meilleure information de la semaine, quoi. Alors, on va y aller sans plus tarder avec les nouvelles concernant le Moyen-Orient. On a ici un article seulement dans le dossier de l'Iran. C'est un article qui parle de la Turquie et de l'Iran qui viennent de signer un accord d'augmenter leur volume d'échange commercial à 30 milliards de dollars. Alors, on veut tripler le volume des échanges entre ces deux pays. Alors que vous avez les États-Unis et puis Israël qui cherchent à attaquer l'Iran, vous avez d'autres pays qui cherchent à l'influencer et puis à collaborer et puis à faire avancer les choses en signant des accords. Alors, voilà, donc, vous voyez les accords qui se font en tous ces pays. Puis, il y en a aussi un très gros qui a été signé entre la Russie et puis la Chine. En fait, je ne sais pas si c'est un accord de signe en tant que tel, mais c'est un accord qui a été convenu entre les deux grosses nations. Et on a décidé de coopérer encore plus au niveau économique et militaire. Alors, vous avez un front ici qui est en train de se former avec l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres pays comme la Turquie qui aussi se joint. Alors voilà, c'est quand même des nouvelles assez importantes au niveau des implications géostratégiques et puis des alliances. Sur le front de l'Irak, on a eu aux États-Unis une grande protestation, une manifestation de personnes qui sont anti-guerre, donc pour la paix, j'aime mieux dire personnes pour la paix, qui a réuni plusieurs milliers de personnes, autant dans la capitale américaine qu'en San Francisco. Ça s'est passé la journée du 20 mars. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça a été un peu ignoré par les médias. Alors, vous avez plusieurs milliers d'Américains qui sont allés manifester pour la paix et puis arrêter les guerres au Moyen-Orient. Et il y a eu une certaine indifférence par rapport aux médias de masse face à ça. Alors, voyez un peu la façon qu'on traite tous ces trucs-là. Alors, on célébrait un triste anniversaire qui est le 7e anniversaire de l'invasion et puis de l'agression de l'Irak, qui est complètement criminel et contre les lois internationales. Et où on a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui mériteraient d'être poursuivis en cour et puis de mettre en prison les responsables. Alors, on a tenu des grandes manifestations et puis vous avez des vidéos à trouver. On a arrêté une des principales personnes en blâme de cette manifestation, qui est Cindy Sheehan, qui a perdu un fils, elle, en Irak, pour une guerre complètement inutile. Et puis Cindy Sheehan, bon, on essaye de la peindre en démon, évidemment, hein. Donc, quand vous voulez la paix, ben vous êtes vraiment un ennemi très important contre l'État et puis tout l'appareil qui se trouve derrière, hein. Alors, on a arrêté Cindy Sheehan, qui d'ailleurs cherche à se faire élire aussi dans le prochain congrès, je crois, aux élections. Bon, on cherche à la démoniser. Alors, on l'a arrêté. Vous avez une vidéo YouTube de voir. Et puis, vous avez aussi un article qui est écrit de sa main qui donne un peu sa version dans ses propres mots de ce qui s'est passé. Alors, allez voir ça. On essaie de criminaliser les gens qui sont pour la paix. On essaie de criminaliser les gens qui sont contre la guerre en Irak. Et ça se poursuit aux États-Unis. Alors, bravo pour les libertés garanties d'assemblement et puis de manifestation et de libre expression. Aux États-Unis, ça n'existe plus. On a affaire à une mini-dictature qui se met de plus en plus en place et vous envoyez des signes très clairs directement en face de vous. On parle même ici des États-Unis qui pourraient poursuivre en justice Sheehan pour sa campagne contre la guerre. Vous avez un article là-dessus sur Press TV, allez consulter. C'est assez bouleversant de voir comment que on traite ces gens-là. Donc, je répète encore, Sheehan qui est une mère, finalement, qui a perdu un fils dans cette guerre complètement inutile et criminelle en Irak. Donc, de cette personne-là, on va essayer d'en faire une démone et puis de la traîner en cour et puis de la salir dans la boue. Et puis, qu'est-ce qui va arriver si les États-Unis traînent en cour Cindy Sheehan? Eh bien, tout ce que ça va faire, c'est faire en sorte que la vérité va être encore plus évidente pour les gens. Ça va faire en sorte qu'une dame, une mère qui a perdu son fils pour absolument pour rien, qui exerce son premier amendement sous la Constitution des États-Unis de libre expression et puis de libre assemblée, va en faire une martyre, évidemment, et puis ça va que rendre le mouvement pour la paix encore plus fort et puis lui donner plus de vigueur. Alors, tant mieux pour nous, mais c'est aussi très significatif de ce qui se passe aux États-Unis puis dans nos sociétés. Il faut pas oublier que ces guerres en Irak, ce sont des guerres qui sont privées pour le pétrole et puis les régions géostratégiques, les minéraux, les ressources naturelles et pour aussi établir des bases autour de l'Asie et puis de la Russie. Des nouvelles à voir à ce niveau-là. On a ici une nouvelle qui parle de l'armée américaine qui risque de construire un nouveau centre général en Irak, au Kurdistan. Alors, vous avez d'autres bases militaires qui sont construites comme ça à travers l'Irak. Alors, vous voyez que c'est une autre preuve qu'on va rester en Irak de façon indéfinie. Alors, ça, c'est de quoi qui est à avoir en tête. On n'est pas à veille de quitter l'Irak. Ça, c'est certain. L'Irak va être sous occupation militaire pendant très, très longtemps. Très, très, très longtemps. On a trouvé aussi des quantités d'uranium appauvri assez importantes, un crime de guerre très important. Et l'uranium appauvri, j'en parle ici souvent sur l'autre monde, mais il faut aussi garder à la tête le fait que depuis 1991, les Américains ont relâché plus de radioactivité dans l'air que n'importe quelle autre nation. On a, vous savez, relâché énormément d'uranium appauvri. On a fait toutes sortes de niaiseries comme ça. Et puis, ça a eu pour conséquence de répandre environ l'équivalent de 400 000 bombes Nagasaki qu'on a lâchées, hein, des bombes à Nagasaki au Japon. Ça, c'est de la radioactivité qui se répand partout, globalement, dans l'atmosphère. C'est énormément de radioactivité. Et puis après ça, si on voit les taux de cancer augmenter de façon catastrophique dans le monde, ben, on va peut-être savoir où aller chercher les réponses, OK, pour comprendre d'où vient toute cette radioactivité dans l'air et puis tous ces cancers qui risquent d'en émerger. Ça, c'est vous donner une ordre de grandeur. Là, c'est environ 10 fois plus de radioactivité relâchée dans l'atmosphère que tous les tests qui ont été faits à travers l'histoire, les tests nucléaires dont j'ai parlé un peu la semaine passée aussi, qui équivaut, eux, environ à 400 000 bombes lancées sur Hiroshima. Donc, on peut dire qu'en conséquence de ça, on peut conclure que les États-Unis ont contaminé de façon permanente l'atmosphère globale avec une pollution radioactive avec une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur, non seulement d'un génocide, mais d'un biocide très important. Et puis, il va falloir à un moment donné se mettre sur la table les noms des personnes qui sont responsables de ça, puis de faire en sorte que ces choses-là ne se produisent plus, mais aussi qu'on traîne en cours et puis qu'on enferme ces personnes qui sont responsables d'un biocide sur la planète Terre. Au niveau de l'Afghanistan, maintenant, on va trouver des nouvelles ici, une assez incroyable sur CNN. Vous savez, CNN qui est un des réseaux principaux de propagande des États-Unis. Et on trouve ici, dans cette nouvelle, des indications comme quoi que l'Iran entraînerait des guerriers, puis les combattants qui se trouvent en Afghanistan, qu'on nomme les talibans. Alors ça, supposément que ça vient de certains officiels américains et puis des services du renseignement. Qu'est-ce que tu as à comprendre de ça? Pourquoi je parle de propagande et puis que je blâme un peu la nouvelle de cette façon? C'est que on sait très bien que ça va pas très bien en Afghanistan, OK? Donc, une phrase assez particulière, mais vous comprenez ce que je veux dire. La situation n'est pas rose du tout en Afghanistan. On a ce qu'on appelle en anglais un surge. Alors, on est en train de faire une escalade, on est en train d'amplifier la guerre là-bas. De donner des proportions de plus en plus grandes. Alors, Obama a dépêché des troupes de plus sur le terrain et puis on attaque différents voisinages, OK, donc des petits villages afghans et on tue des civils à la dizaine de façon répétitive dans cette autre guerre, une guerre d'agression et criminelle. Et puis, c'est un désastre total, il ne faut pas se le cacher, c'est un désastre total. Et puis, au lieu d'accepter les conséquences de leur acte, ben, ce qu'on fait au niveau des États-Unis, ben, c'est qu'on blâme ça sur le dos de l'Irak, c'est-à-dire de l'Iran. On blâme ça sur le dos de l'Iran. Alors, c'est la façon qu'on se débarrasse de notre culpabilité, de notre responsabilité au niveau des États-Unis. Okay? Donc, une nouvelle, allez voir. Ensuite, on a les États-Unis qui tournent le regard, alors qu'ils refusent, prétendent ne pas voir les échanges et puis la vente d'opium qui se fait dans les petits villages afghans. Alors, dans une nouvelle, ici, on prétend que les Américains ont été mis dans une position peu commune de devoir fermer l'œil sur ces transactions d'opium qui se font dans différents secteurs comme à Marja. C'est un peu ironique aussi comme nouvelle, c'est un peu de la manipulation, de la désinformation, parce que depuis le début de l'invasion de l'Afghanistan en 2001, on est passé d'environ 5% du trafic international à 95% du trafic international en termes de production d'opium, qui est évidemment contrôlé par la CIA et les militaires et différents groupes de crimes organisés, autant afghans que kosovars, et puis de la Bosnie, de différents endroits comme ça, qui est sur la route de l'achemination de l'opium qui est transformé en héroïne vers l'Europe et puis vers d'autres pays comme la Russie, qui d'ailleurs s'en est plaint. Ça va être une autre nouvelle à trouver dans l'actualité. La Russie qui est sous attaque, alors c'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est pour ça que c'est important d'étudier l'histoire. On a attaqué la Chine de cette façon-là. Quand on n'est pas capable de le faire militairement, alors ce qu'on fait, c'est qu'on achemine de la drogue à l'intérieur du pays, puis on rend les gens dépendants, ça tue des personnes. Je crois que c'est quelques dizaines de milliers de Russes qui sont morts jusqu'à date avec ce trafic d'opium qui a pour origine l'Afghanistan. Alors la Russie a blâmé officiellement l'OTAN et puis les États-Unis d'acheminer illégalement de l'opium, c'est-à-dire de l'héroïne, à l'intérieur de la Russie, puis d'affaiblir et de déstabiliser la Russie de cette façon-là. Alors, on a plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'est 30 000 le chiffre, là, mais c'est tout, sous toute réserve. Allez voir le chiffre exact dans l'article, là, mais c'est quelques dizaines de milliers de Russes qui en sont morts et un nombre incroyable de personnes qui en sont rendues dépendants aussi, donc une drogue hautement addictive. Et c'est ce qui s'était passé en Chine aussi, on a fait la même affaire. Alors, pour récupérer l'argent et puis tout, on a fait en sorte qu'on distribuait l'opium à l'intérieur de la Chine et puis on avait rendu dépendants plusieurs Chinois de cette façon-là, un trafic dont l'argent était lavé par une des grandes banques, la HSBC de Hong Kong. Alors, ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne, les choses. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire, de voir comment qu'elle se répète et puis mieux comprendre l'actualité. Donc, les États-Unis qui se disent dans une position vraiment inhabituelle de devoir fermer l'œil face à ces trafics de drogue, alors que c'est les États-Unis qui en profitent le plus, et puis c'est un trafic qui rapporte de 2 à 300 milliards de dollars au bas mot par année. Les États-Unis aussi, via la CIA, qui profitaient du trafic de drogue du Triangle d'or durant la guerre du Vietnam. Alors, c'est tout le temps les mêmes affaires qui se produisent, hein. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ici, on joue aux vierges offensées. C'est la première fois, on est obligé de se fermer l'œil. Alors, ben oui, mon œil. Vous avez des quantités impressionnantes de drogue qui sortent de là. On parle de plusieurs tonnes métriques. Alors, c'est 4 000, au-dessus de 4 000 tonnes métriques qui sortent de là par année. C'est des quantités absolument incroyables, faramineuses, qui servent à financer les opérations sous la couverture de la CIA. Alors, il faut savoir comment les choses fonctionnent. Okay? C'est très important. Et puis, la Russie a déclaré, oui, c'est ici, j'allais le chiffre, 30 000 vies qui ont été perdues en Russie, donc à chaque année depuis que le trafic de la drogue a été augmenté en Afghanistan, et puis d'un 1 million de personnes qui seraient rendues dépendantes de l'héroïne. Alors, la Russie a déclaré via un de ses ministres qui s'appelle Rogozin que c'est une guerre non déclarée contre leur pays. Alors, c'est une citation assez importante dans l'actualité de la semaine. On a appris aussi dans une autre nouvelle du LA Times, le Los Angeles Times, que les États-Unis vont donner de l'expansion aussi à leur réseau de prisons en Afghanistan. On risque d'en construire une nouvelle aussi très importante sur une base militaire et qu'on devrait transférer les prisonniers qui sont présentement à Guantanamo Bay dans cette nouvelle prison qui est projetée en Afghanistan. Alors, voilà qui est pratique. Alors, Obama vous avait promis de fermer la base à Guantanamo. Et puis, écoutez, que vous savez, elle est trop visible, cette base, cette prison-là, où on pratique la torture et où la loi internationale est suspendue. Et puis, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va construire une nouvelle prison en Afghanistan, puis on va y enfermer tous les prisonniers, on va les torturer là-bas, bien loin du regard de l'opinion publique américaine et puis internationale. Bien sûr, ça va être un lieu comme à Guantanamo où la loi américaine et la loi internationale est suspendue, n'existe pas, et où on arrive dans un trou noir, un abysse où tout est permis. Et voilà, donc c'est les nouveaux goulags américains qui sont en place. C'est fantastique, c'est comme ça se passe. Pour ça, c'est important d'être bien informé. Et puis, ça, comprenez, là, pour savoir ce qui n'est pas dit dans les grands médias, connaître ce qui se passe réellement au niveau de l'actualité mondiale. Donc, on va y aller maintenant avec la Palestine. On a trouvé des niveaux d'uranium toxique très importants dans la bande de Gaza. Ça a été rapporté par Uruknet. On a des études qui ont été conduites par un groupe de chercheurs italiens qui ont révélé la présence de niveaux dangereux de toxines dans le corps de Palestiniens, des victimes palestiniennes des bombardements israéliens durant l'opération Plomb durci qui s'est produite en décembre 2008 jusqu'en janvier 2009. Et les résultats de ces tests ont été conduits sur 15 personnes qui sont décédées et des personnes qui ont été blessées durant la guerre contre Gaza. Et on a aussi testé différents prélèvements sur 95 autres citoyens qui ont montré la présence de 30 composantes très toxiques, notamment des très hauts niveaux d'uranium. Vous avez aussi un des officiels de la santé, un ministre de la santé de la bande de Gaza, Medhat Abbas, qui a confirmé aussi durant une conférence de presse toutes ces informations de la semaine passée. Alors, ça, c'est aussi très important. Vous avez des photos assez horribles à aller voir. Je vous avertis, vous avez le cœur sensible, évitez d'aller voir. Mais des fois, il faut se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité avec nos propres yeux. C'est des images que les médias corporatifs ne vous présenteront jamais. Hein? On ne veut pas froisser l'opinion et puis la sensibilité du public. Et alors que si on vous présentait la vraie chose, la vraie réalité, eh bien, peut-être qu'on supporterait un peu moins ces gars-là, on se rendrait compte de ce qui se passe. Et puis, évidemment que l'image de ces pays-là, ici, c'est Israël qui est concerné, mais vous savez, si on vous présente l'image de torture des Américains ou de celle que les Canadiens ont participé, ben, peut-être que l'opinion publique changerait de façon assez radicale et puis que ces gars-là ne seraient plus possibles. Alors, on cache ces vérités-là, on cache ces images qui sont dures à voir, qui vous donnent mal au cœur, qui vous donnent envie de vomir. Des images qui sont horribles, qui prouvent qu'on utilise des armes chimiques contre des civils, okay, des crimes contre l'humanité. Et on espère que vous ne les verrez pas, vous n'aurez pas le courage d'aller les voir, que vous n'entendrez pas parler de ces informations-là. Alors, merci d'être à l'écoute de l'autre monde et puis profitez-en pendant qu'on est encore là pour pouvoir livrer ces informations. Okay? Bon, mais parlant d'Israël, on va poursuivre un peu avec quelques nouvelles d'Israël. Alors, on a ici une vidéo qui montre que on utilise bien mal des fois les forces militaires israéliennes, même des fois dans des cas où on a des protestants pacifiques qui viennent manifester. Il y a quelques années, vous avez une de ces pacifistes, une activiste pacifique américaine qui s'appelle Rachel Corrie, qui a été écrasée à mort par un gros bulldozer israélien. Qui protestait, elle, contre les démolitions des maisons palestiniennes dans la bande de Gaza. Une jeune femme qui ne devrait jamais être oubliée par personne dans le monde, qui croit en les valeurs de justice et de la paix. Alors, c'est un dossier qu'on essaye de faire taire, hein, de la part d'Israël. On essaye de discréditer toutes ces affaires-là, mais c'est une chose qui s'est bel et bien passée. Vous avez une vidéo qui a été faite en son honneur, alors je vous invite à aller le voir. Dans un autre article, on apprend que le ministère de l'Éducation israélienne a censuré la Déclaration universelle des droits humains. Ça, c'est une nouvelle assez incroyable aussi à aller voir et bien réelle. Alors, c'est documenté. Et oui, on a dans les livres scolaires israéliens, on a banni certains passages, dont deux articles. L'article 14 qui cite que tout le monde devrait avoir le droit de se rendre en asile dans un autre pays pour se protéger de la persécution. Et l'article 18 qui dit que tout le monde devrait avoir le droit de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et puis que ce droit inclut la liberté de changer ses croyances religieuses et puis d'avoir la liberté. Alors ça, c'est assez spécial, assez incroyable. Vous avez aussi un autre article qui date, je crois, de 2 semaines, si je ne me trompe pas. Non, ça, c'est un article qui date de 7 semaines. L'article qui date de 7 semaines, vous avez l'armée libanaise qui a ouvert le feu sur des avions israéliens. Pourquoi? Parce que vous avez les avions israéliens qui volent continuellement. C'est au moins hebdomadairement, c'est pas quotidiennement, font des vols au-dessus du territoire libanais. Alors, on viole l'espace aérien libanais, ce qui est en soi une provocation et qui contrevient à la loi internationale. Alors, on s'en permet tout le temps au niveau d'Israël. Alors, on viole leur territoire, leur espace aérien à altitude moyenne. Ça a été rapporté par les journaux. Et cette fois-ci, après plusieurs violations de leur territoire, eh bien, l'armée libanaise a décidé d'ouvrir le feu. Et on se demande évidemment pourquoi que Israël fait ça, pourquoi on viole l'espace aérien. Alors, on espère que les Libanais vont répliquer ou que le Hezbollah va répliquer, va défendre leur espace aérien. Et après ça, on va tourner ça en justification pour partir une nouvelle guerre contre le Liban. Vous savez, Israël, ça fait très longtemps qu'ils cherchent à avoir leur revanche de la dernière guerre qu'ils ont perdue contre le Hezbollah. Alors, ils ont été humiliés et puis on aimerait bien y retourner. Puis cette fois-là aussi, aller jusqu'à la rivière Litani parce qu'Israël a besoin désespérément de ressources d'eau. Alors, on cherche à aller chercher la rivière Litani. Ça, c'est un objectif qui a été très longtemps établi et bien documenté. On a ensuite un autre article qui parle ici de la stratégie sioniste. C'est un document qui a été révélé Pourquoi? Pour essayer de contrer les efforts contre le boycott et puis les désinvestissements contre Israël. Alors, vous avez des campagnes qui demandent aux gens de désinvestir, de ne plus investir et puis de boycotter les produits israéliens qui sont construits et fabriqués dans les territoires occupés palestiniens. Et puis, on essaie d'utiliser différentes stratégies pour empêcher les débats sur ces trucs. Alors, on essaye de faire en sorte que ces débats-là soient déviés en traitant les gens d'antisémites. OK? Alors, évidemment qu'on utilise tout le temps cette étiquette à toutes les sauces, et puis c'est une de ces façons-là de le faire. Donc, ensuite, bien souvent, quand l'image israélienne souffre énormément, comme en ce moment, où vous avez même l'Europe aussi qui a décidé d'adopter le rapport de Goldstone, qui condamne autant le Hamas que l'armée israélienne d'avoir commis des crimes de guerre durant l'attaque sauvage de la bande de Gaza par Israël dans l'opération Plomb durci dont je parlais un peu plus tôt. Eh bien, on se retrouve après ça avec différents mémorials pour l'Holocauste qui sont ensuite victimes d'actes de vandalisme, tout le temps au mauvais moment ou ben au bon moment, tout dépendant comment qu'on voit les choses. Et c'est tout le temps une façon après ça de stimuler la sympathie. Et puis de pointer du doigt l'antisémitisme alors que ça va pas bien pour Israël. Alors on essaie de redorer son image de cette façon-là pour créer de la sympathie pour Israël. Alors qu'on a eu plusieurs cas bien documentés de ces trucs-là, alors des cimetières qui ont été désacralisés ou des swastikas qui ont été peintes différentes places comme ça, et puis qu'on s'est rendu compte par après, vraiment très clair, vraiment documenté. Là, on a pincé carrément là, les responsables de ça. Dans plusieurs cas, c'était soit des sionistes, des Israéliens, des Juifs qui font ça. Alors, ça aussi, c'est à avoir en tête. Il faut être très objectif et puis chercher la vérité par soi-même pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, vous allez trouver aussi des exemples de ça. Et puis, par rapport à ça, vous vous rappelez, la semaine passée, j'avais parlé un peu là, de sionisme et de l'événement qu'il y avait eu là, entre Joe Biden, qui était en visite en Israël, et puis qu'on y avait donné une bonne claque en pleine face en déclarant que, en même temps que Biden était là pour promulguer les efforts pour la paix, et bien, dès son arrivée en Israël, on avait lâché publiquement, médiatiquement de la part d'Israël qu'on était pour construire de plus en plus de maisons dans les territoires occupés puis à Jérusalem-Est, OK? Donc Jérusalem-Est qui est censée être une ville divisée également et puis gérée par l'ONU alors qui n'est même défendue depuis la création d'Israël d'être la capitale d'Israël. Alors là, Israël veut en faire sa capitale éternelle. Et puis, Joe Biden s'était fait donner une bonne claque en pleine face comme ça, en voulant dire, ben, peu importe ce que tu viens radoter ici, grand, regarde, c'est nous autres qui va faire ce qu'on veut, là. Donc, voilà. Et puis, je parle un peu de ça encore parce que ici, là, je prends un peu la permission, là. Je n'aimerais pas l'auditeur qui m'a écrit. C'est pas plus grave, de toute façon. Mais son commentaire était bien à propos. Et puis, vous savez, il y a tout le temps des nuances à faire dans ces propos-là. Je disais que Joe Biden se disait sioniste et puis que ce qui s'était passé dans ce genre de faux conflit entre Israël et puis les États-Unis n'était qu'une pièce de théâtre, une chorégraphie mise en place pour prétendre qu'il y avait une certaine division entre Israël et puis les États-Unis pour un peu donner, après ça, la possibilité à Israël de se laver les mains, de dire que il n'était pas responsable de la poussée contre la guerre, c'est-à-dire la poussée pour la guerre contre l'Iran, dans l'éventualité que les États-Unis attaqueraient très bientôt l'Iran. Alors, on risque très bientôt de voir une attaque américaine sur l'Iran, ou possiblement aussi une attaque israélienne sur l'Iran, dans laquelle seraient éventuellement impliqués les États-Unis. Sauf qu'on sait évidemment qu'une guerre contre l'Iran ne sert pas vraiment les intérêts des États-Unis, c'est plutôt servir les intérêts d'Israël qui aussi perçoit l'Iran et puis les autres pays comme l'Irak et les autres autour comme étant un ennemi. Alors c'est des ennemis perçus d'Israël, ce n'est pas des ennemis d'aucune façon ni une menace aux États-Unis d'aucune façon. Donc, l'auditeur en question m'écrit ce courriel en disant que lui, il croit pas que ce soit une mise en scène, donc un fake, que cette petite crisette entre les États-Unis et Israël serait plus réelle qu'on le pense, que ça remettra quand même pas en cause l'appui indéfectible des États-Unis pour Israël. mais même entre amis très proches, des tensions peuvent venir interférer de temps en temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, à ça que je réponds, là, je vais vous répondre en différentes parties, parce que je crois que c'est important de faire les nuances, de bien comprendre ce qui se passe. Alors, je répondais à cet auditeur, qui est devenu un bon ami, que c'est clair qu'il y a des nuances à faire, qu'il peut bien avoir des divisions entre ces deux factions sionistes et l'administration Obama, les démocrates. Je pense aussi qu'il est clair, par contre, par rapport à tout ça, quant à qui contrôle qui principalement. Vous savez, Brzezinski, qui a entretenu et préparé Obama pour rentrer au pouvoir, donc c'est un peu la clique de Brzezinski qui a mis Obama au pouvoir, qui l'a beaucoup supporté en tant que tel. Vous savez, Brzezinski qui est pas mal le mentor d'Obama, Obama qui est le poulain, si vous voulez, de Zbigniew Brzezinski. Et en ce moment, le monsieur n'est pas content parce qu'il constate, puis il a déjà déclaré aussi médiatiquement, qu'il a perdu d'une certaine façon le contrôle d'Obama aux mains des sionistes pro-israéliens. Mais il est aussi très clair qu'il y a des tensions par rapport à tout ça et qu'il y a comme deux factions en ce moment qui s'affrontent dans l'administration Obama vis-à-vis Israël. Il y a un certain inconfort en ce moment qui règne. Ça, c'est tout à fait réel, là. L'auditeur poursuit avec son commentaire et puis il dit que quand Biden dit « je suis sioniste », que ça ressemble à quelqu'un qui parle mais qui n'agit pas nécessairement comme tel. Il dit qu'en réalité, qu'en public, il dit qu'il est sioniste, mais qu'en privé, c'est pas tout à fait pareil. Puis c'est vrai que Biden a montré pas mal plus de caractère en privé, mais encore là, c'est un signe d'hypocrisie totale. Et à mon avis, ça montre aussi qui est le maître, parce qu'on ne jouerait pas le jeu, surtout avec ces gros égos américains-là. On ne jouerait pas le jeu comme ça publiquement, à jouer au petit chien qui s'agenouille puis qui roule devant le lobby israélien, si il n'était pas aussi puissant, qu'il n'avait pas une influence des plus importantes. Okay? Donc, même si publiquement on joue le jeu, ben, ça montre à quelque part qui est aussi le gros boss dans la cabane. Okay? On parle souvent de ces représentants américains qui vont faire des discours à l'AIPAC, qui est un gros lobby israélien, un des plus puissants à Washington. Vous savez, si vous écoutez ces discours-là, c'est assez risible. Okay? Quand vous entendez parler là, des discours incroyables, là, où c'est qu'on vante à peu près tous les aspects d'Israël, qu'on dit que c'est quasiment un État divin, que c'est incroyable, la liberté qui règne, et puis l'avant-garde des idées incroyables qui règnent. Il en beurre épais, il en beurre très très épais, puis ça, il faut en être conscient. Ils viennent se plier les genoux, ils roulent et puis ils montrent comment ils sont très très bien dressés. Donc, mon commentaire à ça, c'est que oui, disons que Biden vient de se prendre une bonne claque d'en face par les sionistes. Sa position risque de changer de plus en plus, ça c'est évident. Mais c'est un élitiste aussi, Joe Biden. Il faut comprendre à qui appartient tous les réseaux d'influence auxquels il appartient. Et M. Biden va faire ce qui lui est dicté. Okay? Ce qui s'est passé en ce moment entre Israël et les États-Unis, ce genre de petite bataille, c'est un événement réel, mais qui a été amplifié énormément pour en faire un show. Et puis, je pense bien que c'est pour donner cette possible, en anglais, on dit deniability, c'est-à-dire la possibilité de s'en laver les mains, de dire Israël, écoutez, c'est pas nous qui avons poussé les États-Unis à attaquer l'Iran, ils ont fait ça de leur propre chef. Donc, quand même, je suis d'accord avec l'opinion de Rivero, d'où je prends mes nouvelles, qui avait parlé de ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, les auditeurs, allez écouter l'émission du 18 mars. Là, je faisais un petit topo là-dessus. Là. Donc, on va essayer de faire monter en mousse un peu ce faux petit conflit-là. Il y a un petit conflit, oui, mais je veux dire, comment je dirais, on lui donne des proportions complètement irréalistes là, pour faire en sorte qu'on est en train de faire en sorte qu'on feinte un certain désaccord et puis une distanciation entre Israël et les États-Unis. Okay? Donc, il est évident, là, en général, pour les gens bien informés, que les représentants américains, ils vont vraiment rouler devant l'AIPAC et puis ils vont raconter n'importe quoi en autant que ça flatte Israël dans le sens du poil. Des fois, à un point qui est complètement ridicule. Mais en même temps, comme je dis bien, ça démontre qui est le boss là-dedans. À la grosseur de leur ego, là, ces gens-là, ils ne le feraient pas s'ils n'avaient pas absolument besoin de le faire. Hein? Donc, ce n'est pas les Israéliens qui vont se mettre à genoux devant les Américains puis leur faire des belles façons. L'auditeur, il continue dans son courriel en disant que les sionistes et le Nouvel Ordre mondial ne constituent pas un bloc monolithique et puis que la clique d'Obama rend les sionistes du gouvernement et du lobby israélien très nerveux. Puis ça, c'est vrai. C'est aussi dû à l'opinion publique et même à celle de beaucoup de Juifs américains qui est de plus en plus opposée au lobby israélien. puis à tout ce qui se passe en général au Moyen-Orient, disons-le. Les Américains deviennent de plus en plus lucides à ce sujet. L'armée sait que le 911 est une job du Mossad. Puis ça, vous avez un lien très intéressant à aller voir dans la section 911 là, de cette semaine dans l'actualité. Vous allez avoir des liens puis une vidéo là. En fait, il s'agit d'un enregistrement audio dans lequel on entend un ancien prof du U.S. Army College. En fait, c'est la tête des études du U.S. Army College. Donc, vous savez, si vous avez cette étiquette-là de coller après votre nom, ça vaut très, très cher. Là. C'est extrêmement respectable et puis c'est pas quelqu'un qui a tendance à vouloir parler à travers son chapeau, surtout sur la scène publique. Alors, il s'agit du Dr. Alan Sabrowski. Et je vous invite à écouter ça. Là, vous allez friser un peu des cheveux quand vous allez comprendre que il a révélé ce monsieur-là que les gens haut placés dans l'armée américaine sont très fâchés d'apprendre qu'Israël a fait le coup du 11 septembre. Et vous allez retrouver la vidéo aussi sur les nouvelles internationales. Alors, donc ça va vraiment pas bien pour Israël en ce moment. Ça, c'est un fait. Et puis son image souffre énormément de leur crime de guerre qui a été commis durant l'opération Plomb durci. Et puis tout le reste comme le mur de la honte, l'état d'apartheid, le traitement des Palestiniens, leur arrogance totale, utilisation d'armes chimiques. Donc, l'image d'Israël en prend pour un sacré rhume en ce moment. Puis c'est clair que le gouvernement et le lobby israélien sont très, très, très nerveux en ce moment. Alors l'auditeur poursuit en disant qu'il ne contrôle pas tout, que c'est pourquoi, dès le premier jour de l'élection d'Obama, ils ont testé l'administration d'Obama avec l'opération Plomb durci pour lui envoyer un signal qu'il était mieux de coopérer. Ils lui ont envoyé plusieurs signaux qu'ils le surveillent et puis qu'ils l'ont fait monter au poste où il est et qu'ils peuvent très bien le faire descendre s'il s'avérait ne plus être coopératif. Puis ça, je réponds, c'est très, très vrai. C'est effectivement exactement ce qui s'est passé. Et puis l'auditeur poursuit en disant « Si j'étais Obama, je m'assurais d'avoir une très grande garde rapprochée. Probable que les sionistes vont utiliser un petit fanatique blanc raciste anti-Nouvel Ordre mondial à la Tim McVeigh pour servir de bouc émissaire pour son assassinat ou pour une attaque sur sa personne. Je pense même que c'est très sérieusement au programme. » À ça, je réponds que oui, en effet, j'en ai même parlé ici sur une des émissions d'Autre Monde, qui lui ont démontré à quelques reprises récemment que la sécurité autour de lui, je parle d'Obama, pouvait être facilement être compromise. Qu'il est fort possible que le prochain false flag serait un attentat contre Obama, blâmé sur un genre de mouvement pour la vérité sur 9-1, un blanc extrémiste ou même un musulman, un iranien, ça c'est fort probable et puis il y a plusieurs signes qui portent à croire que c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Alors, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Et puis, c'est des games derrière les scènes qui se jouent. Et puis ça, c'est important de comprendre ces affaires-là pour voir où les choses vont. Et puis, s'il arrive de quoi, bien, vous allez être au moins armé mentalement pour ne pas vous faire manipuler. Okay? Donc, c'est pour ça que je tenais à en parler. C'est des choses très importantes à avoir en tête. Alors, vous allez voir différents efforts en ce moment pour parler d'Holocauste. On va essayer de blâmer n'importe qui. Vous allez trouver aussi des liens de différents pays. Je pense que c'est la Hongrie qui a passé une nouvelle loi, comme quoi qu'on ne peut plus dénier l'Holocauste. Alors, vous allez faire de la prison. Puis ça, encore là, c'est Michael Rivero, là où je prends les nouvelles sur What Really Happened. Je pense qu'il y a la phrase la plus claire à ce moment-là pour contrer cette stupidité incroyable. Vous savez, il y a même Sundell qui a été libéré dernièrement de prison parce qu'apparemment qu'il avait dénié l'Holocauste. Alors, ça, c'est le crime de la pensée, comme dans les livres de 1989 de George Orwell. Et Michael Rivero écrivait que la vérité n'avait pas besoin de loi pour la supporter, que la vérité était évidente, OK? Était évidente par soi, par elle-même. Alors, la vérité n'a pas besoin de loi pour être supportée. La vérité, elle se supporte par elle-même, OK? Elle est évidente par elle-même. La vérité va résister à l'examination, à l'étude, OK? À la vérification. La vérité va survivre aux questions. La vérité va survivre à travers l'histoire. Mais à travers l'histoire aussi, on a vu des personnes comme Galilée puis Ernest Zendel qui... vous savez, on déclaré des choses ou pense certaines choses. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'après ça, on les a stressés, ces personnes-là, on les enferme, on utilise les cours et puis les lois. Hein? Donc, seulement les menteurs et puis les mensonges ont recours à des lois puis à des cours pour forcer les gens à adhérer à des dogmes. Okay? Donc ça, c'est une belle citation de Michael Rivero et puis c'est important d'avoir en tête aussi. On n'a pas besoin d'avoir des lois pour prouver quelque chose qui est vrai. Okay? La vérité est évidente. Je veux dire, si c'est pas vrai, ça ne tiendra pas. Je veux dire, moi, j'ai beau dire que Elvis Presley est encore vivant, qu'il y a des Sasquatch qui sont venus enlever le premier ministre, ça me donne rien de me mettre en prison, là. Je veux dire, on a juste à me prouver que j'ai tort, OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On met pas des gens en prison parce qu'ils racontent des niaiseries, OK? Si quelqu'un dit que l'Holocauste n'est jamais arrivé, on le met pas en prison. On fait juste le prouver que cette personne-là a tort, qu'il est complètement débile. Puis, si on n'est pas capable de prouver que cette personne-là a tort, ben peut-être que là, on devrait se pencher sur ce qu'elle a à dire, hein? Alors, peut-être qu'on met des lois en place. Peut-être qu'on met des lois en place, on utilise des cours pour forcer les gens à croire certaines choses, pour les intimider, parce qu'on a peur qu'ils cherchent la vérité. Peut-être qu'à un moment donné, on va mettre des lois en place pour contrer ceux qui dénient que le 9-1 a été fait par Bin Laden. Hein? Alors peut-être que ceux qui cherchent la vérité ou ce 9-1 vont être mis en prison éventuellement. Qui sait? Un peu comme Cindy Sheehan, comme je parlais au début de l'émission, qui manifeste pour la paix, pour arrêter les guerres dans lesquelles son fils a perdu la vie de façon complètement inutile, on l'arrête. Ah, voyez, les choses se connectent un peu comme ça quand on commence à faire des cercles. OK, donc ça c'est important là. Vous avez une nouvelle ici dans CBC News qui raconte qu'Israël a dévoilé des plans de construire une nouvelle centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Ah ben, regardons ça, toi, les doubles standards incroyables. Alors, l'Iran veut faire la même affaire, mais ça, on n'a pas le droit. On va attaquer l'Iran même avec des bombes nucléaires. Mais Israël, elle, de son côté, peut déclarer ouvrir des nouvelles centrales nucléaires comme ça pour l'électricité. Ah ben, regardons ça, toi, c'est spécial. Ça veut dire que là, vous êtes en train de me dire que si les États-Unis vont attaquer l'Iran parce que l'Iran veut développer des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, alors ça veut dire que les États-Unis vont devoir faire la même affaire contre Israël. Hein? Il va falloir être un peu égal dans nos poussées, laisser tomber les deux poids, deux mesures, et puis appliquer la loi pour tout le monde de la même façon. Ah ben. C'est bien spécial. C'est bien spécial parce que l'Iran, elle a signé les accords de non-prolifération nucléaire, puis elle laisse les inspecteurs rentrer dans ses centrales, mais pas Israël. Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. N'est-ce pas spécial? Oh, Guido. Alors, vous avez un article ici sur le profil nucléaire chronologique d'Israël, un article absolument important à aller consulter. Vous allez comprendre depuis quand et puis de quelle façon son programme nucléaire a été développé de façon chronologique depuis les années 50-60. Ah oui. Vous avez un rabbin, M. Feldman, qui ici a écrit un article et qui a déclaré que le mouvement politique sionisme est complètement illégitime. Alors, très intéressant à aller voir. Et il dit aussi, il explique que bien souvent, on utilise l'antisémitisme comme une étiquette pour fermer la gueule des gens qui critiquent ce mouvement qui est politique, sionisme, qui se cache derrière le judaïsme. Pour se justifier. Alors, il faut bien démêler les deux. D'ailleurs, sur le site de YouTube de L'Autre Monde, vous allez trouver une bonne vidéo de juifs, de rabbins juifs qui expliquent la différence entre le judaïsme et le sionisme. Alors, ne confondez pas les deux. Alright? Et on va terminer avec un dernier article ici d'Israël. Là, je parlais de la vue, de l'image internationale d'Israël qui est très, très mauvaise en ce moment. Et vous avez un article à aller voir là-dessus. Israël va tout faire pour essayer de redorer son image et a écrit un article en décrivant que tous les voyageurs israéliens à travers le monde sont des ambassadeurs d'Israël et devraient parler d'Israël en bon partout où ils vont pour répandre la bonne nouvelle. Hein? Donc, on est rendu à ce niveau-là. On dit que tous les citoyens qui voyagent dans le monde sont rendus des diplomates et puis ils sont là pour se battre pour l'image d'Israël dans les destinations à l'étranger. Wow! Alors, au lieu d'arrêter de commettre des crimes de guerre et puis d'attaquer sauvagement tout le monde autour, de violer l'espace aérien du Liban, hein, d'utiliser des armes chimiques contre les populations civiles, au lieu de faire ça, qui sont la vraie cause de la perte de la belle image qu'Israël possédait, eh bien, ce qu'on va faire, c'est essayer de mentir au monde en essayant de raconter n'importe quoi. Là, vous avez un beau graphique ici dans cet article-là qui montre, ça, c'est une étude qui a été faite de l'opinion globale, okay? Donc un sondage qui a été conduit en 2007 et qui montre que l'image positive d'Israël souffre énormément. Okay? Donc, on montre ici les différents pays. Alors, aux États-Unis, vous avez 41% de la population qui a une image positive d'Israël, alors que 33% le perçoit négativement. Au Canada, c'est 26 positifs contre 56% qui ont une image négative d'Israël. En Argentine, seulement 12% perçoivent Israël de façon positive contre 41%. En Russie, vous avez seulement 19% des gens qui voient Israël de façon positive contre 40% négativement. En Italie, c'est 18 contre 58. En Angleterre, c'est 17% contre 65. En France, c'est 17 contre 66. En Allemagne, c'est 10 contre 77. Attendez, au Liban, 6 contre 85, c'est sûr, eux autres se sont fait détruire et puis miner un gros tapis de bombes antipersonnelles, dont Israël a même encore refusé de fournir les plans pour qu'on les enlève. En Égypte, 5% contre 78. En Turquie, 2 contre 76. Vous avez, écoutez, un paquet de pays comme ça, dont la moyenne mondiale est que 77% voient Israël de façon positive contre 56% de façon négative. Eh oui. Alors, allez voir ces statistiques-là, très important. Allez voir un article aussi qui montre le rôle d'Israël dans le terrorisme. Alors, très important, par Criminal State. Ça, c'est un article qui a été basé sur une série de Jeff Gates, okay, donc un auteur très acclamé, qui est un avocat aussi, un banquier marchand, un éducateur et puis un consultant pour le gouvernement à travers le monde. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi le rôle d'Israël dans le terrorisme. Alors, ben oui, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est des faits. Alors, allez voir ces articles-là. Alors, ça va être ça pour les nouvelles du Moyen-Orient. C'est en mars. On en a couvert pas mal. Je suis pas mal content. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause pour le moment. On va aller en musique. Et alors, revenez après la pause. Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour chacun de nous. Ne laissez pas votre culpabilité prendre le dessus sur votre foi. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que je préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que je préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Moi je le fais comme je le sens, pas j'ai pas le temps de plaire à personne. Je suis un homme de sang-froid, pas j'ai pas le choix. Comment ça le sonne 46 fois par jour, j'assume mon choix de parcours. Si je porte pas de monde, c'est que je refuse de voir le compte à rebours. Si je me pointe en retard, c'est que je profite de ce que la vie offre. Entre le marteau et l'enclume, moi j'ai pris off. N'importe quand, je sais que les coffres peuvent débarquer. Je suis détendu, je passe mon temps à croquer les fruits défendus. Parce qu'on a rien qu'une vie, puis je la vois comme une partie de fesse. Mais j'avoue, des fois j'envie ceux qui la voient comme un test. Dans le fond de moi, j'aurais tellement voulu croire, mais c'est raté. Que Dieu me pardonne, je suis qu'un athée. Ça veut pas dire que je suis mauvais, je suis peut-être juste aveugle. Puis donne-moi le temps, dis que la foi se révèle à ceux qui aveuglent. En attendant, pour tuer un bitch, je suis jamais hésitant. Je pense comme un pashtoun sur le 22e régiment. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que je préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que je préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Je te le répète, MC, je débarque, je te bosse la vie. À coup de punchline explosif comme l'ex-Yougoslavie. Pour moi c'est normal quand j'écris, c'est pour que mon album place. Mais je dis pas n'importe quoi, pas j'ai le cœur à bonne place. Je suis un homme, je suis pas une farce, je regarde droit devant moi. Avec une pensée pour ceux qui passent l'hiver dans le froid sans toit. Et je déteste les gros bourgeois qui pensent toujours avoir raison. Enfermés dans des idées, confortables comme leur maison. La vérité est brutale comme la pendaison de sa dame. Ou comme une fille qui roule sa fille sur une webcam. C'est immoral effectivement, pourtant c'est légal. Tu comprends-tu pourquoi ce que dit la loi, ça m'est égal. Moi, je fais mon chemin entre le bien et le mal. Je suis loin d'être parfait, mais maintenant avec moi-même j'essaye de faire la paix. Crois-moi, ça veut pas dire que je m'assois sur mes défauts. Ça veut juste dire que je fais partie des vrais et non des faux. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que je préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Beaucoup d'MC s'inventent une vie pleine de cash ou de problèmes. Ils essayent de nous tromper, en fait ils trompent qu'eux-mêmes. Quand je vois de mes gars virer comme ça, ça me fait ben de la peine. Chaque fois ça me rapproche un peu plus de peine latine. J'ai le goût de rentrer comme une bombe dans leur gratte-ciel. Puis que les débris tombent sur le restant de leur monde artificiel. Parce que je suis pas comme eux, parce que le bon se m'en panie. Parce que je viens pour faire sauter le club comme à Bali. Parce que moi je prône des valeurs anciennes comme le partage. Mais que leur système les transforme en ruines comme à Carthage. Fait que je voyage autour du globe à la recherche de vérité. D'un petit peu de soleil et de la richesse de l'Érythrée. Parce que partout j'ai vu que la liberté est un état d'esprit. J'essaierai d'y penser si un jour l'État me punit. Mais quoi qu'il arrive, j'essaye d'être serein puis de rester calme. Parce qu'ici le stress est plus meurtrier que les pales. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Dès que je parle de vérité, leur visage pâlisse. Parce que préfère se la jouer, mais moi je m'en calisse. Je suis un vrai de vrai, tu pourrais me crever les yeux. Ça m'empêcherait pas de courir après le secret des dieux. Vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginot au micro, toujours sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. On va y aller avec une brève parenthèse sur le 911. J'aimerais vous réinviter à aller voir cette vidéo du Dr. Alan Zabrowski, l'ancien directeur des études du U.S. Army War College, qui a déclaré maintenant que les têtes américaines de l'armée savent maintenant, ont appris que c'est Israël qui était responsable, surtout à travers le Mossad, entre autres. Là, je crois qu'il y a d'autres aussi éléments criminels à l'intérieur du gouvernement américain, mais dans son article qu'il a publié, dans les vidéos qui sont disponibles, M. Zabrowski raconte que maintenant, on sait que c'est Israël et à travers le Mossad qui sont responsables de l'organisation du 9-1. Alors, c'est des révélations à ne pas prendre à la légère, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission. Très important d'aller consulter ça. C'est un clou majeur dans le cercueil de la version officielle. Et puis, vous avez quelques nouvelles dans le domaine du 9-1. Vous avez entendu peut-être parler des travailleurs qui ont travaillé sur le sol des débris, en fait, pour nettoyer les débris des trois tours du World Trade Center qui se sont écroulés le 11 septembre 2001. Et puis, on avait affirmé autant de la bouche là, de l'EPA aux États-Unis que de la ville de New York que l'air était sain, était correct à respirer alors qu'ils savaient qu'ils mentaient. Les autorités qui portaient des masques en tout temps, mais on a laissé les travailleurs travailler sans masque. Et puis, vous savez, bien qu'il y ait eu 3000 personnes qui sont mortes dans les attaques du 11 septembre, vous en avez eu beaucoup, plusieurs centaines, et ce n'est pas des milliers de personnes qui en sont aussi décédées, qui sont extrêmement malades en ce moment à cause qu'elles ont respiré de l'air qui était contaminé, qui renfermait un paquet d'éléments toxiques. Et vous avez plusieurs milliers de pompiers, de police, des contracteurs et d'autres travailleurs qui ont travaillé dans les ruines du World Trade Center qui sont tombés très malades, comme je dis, ou même qui sont décédés par rapport à ça, et on a poursuivi le gouvernement pour se faire rembourser, parce que vous savez, ces gens-là qui ont travaillé sur le sol du 911 doivent payer leurs frais eux-mêmes. Alors, on les a laissés à eux-mêmes. Donc, on est en train de leur offrir une grosse somme d'argent. Je crois que c'est 650 millions de dollars pour essayer de fermer le casier judiciaire de tout ceci. Et puis, bon, vous avez des questions aussi qui remontent à propos aussi de tour de ça, si on ne veut. D'un certain sens, écoutez, ce que j'essaie de dire, là, c'est que il y a certains volets par rapport à ça. C'est une victoire peut-être pour ces personnes-là, mais d'un autre côté aussi, il faut comprendre que si le fédéral offre 150 millions de dollars, c'est aussi en acceptation qu'il y a eu mésinformation, qu'il y a eu une erreur dans la façon qu'on a travaillé là, mais aussi probablement que c'est un signe d'une responsabilité peut-être plus large qu'on le pense. Donc, on essaye de faire en sorte que ces personnes-là, maintenant, se la ferment. On va leur offrir un peu d'argent. Mais encore là, quand on apprend plus sur les dispositifs selon lesquels les gens vont pouvoir se prévaloir de cet argent-là, ben, ce ne sera pas évident pour tout le monde. Alors, il va falloir vraiment prouver qu'on a été là et puis qu'on est malade par rapport à ça. Et donc, bon, ça a l'air bien beau, mais il faut creuser un peu plus pour voir aussi là, le côté pervers de cet argent-là. Mais ça veut dire beaucoup, ça veut dire beaucoup. Le Washington Times qui a questionné aussi certaines... comment je dirais, c'est un certain paradoxe, certains anachronismes et trous dans l'histoire de la version officielle. Alors, vous voyez que ça commence à percer aussi les médias corporatifs qui nous ont menti tout le long depuis le 9-1 et puis qui ont participé à la vente de la guerre suite à ça. Donc, les médias qui commencent à se rendre compte qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire et puis on essaie tranquillement de se rattraper et puis ça commence à faire, ça commence à apparaître dans les médias de masse, OK? Donc, on a un article ici aussi de Paul Craig Roberts que je vous invite à consulter qui s'appelle « La route pour l'Amargadon ». Alors, ça, c'est un autre article aussi intéressant. On parle dans cet article-là, Paul Craig Roberts, qui est quelqu'un là, de très respectable, déjà travaillé pour le gouvernement américain aussi dans les hautes sphères du gouvernement. Alors, dans son article, Paul Craig Roberts raconte que le journal du Washington Post donne une image favorable de Bush Cheney, d'Obama, puis les néocons et puis les guerres d'agression au Moyen-Orient et qui sont en faveur de faire des terroristes ceux qui vont payer pour le 9-1. Okay? Donc, tout est lié à ça aussi. Il faut comprendre l'importance de tout ce drame-là du 9-1 et puis savoir pourquoi que c'est vraiment un moment charnière de notre histoire aussi et puis que c'est vraiment le talon d'Achille en même temps de toute cette élite qui mène leur guerre un peu partout, parce que si on arrive à défaire le 9-1, ça va défaire toutes les justifications et ça va exposer les plus grands menteurs de l'histoire. Et puis j'ai nommé les gouvernements et puis les médias qui ont participé à ça. Donc, un article très intéressant dans lequel Paul Craig Roberts raconte qu'il est très surpris qu'en fait, on a une nouvelle dans le 24 février dernier dans ce journal-là, puis qui a été très populaire pendant au moins 3 jours. Sur laquelle on parlait de quelques éléments justement de la vérité sur le 9-1 et on parlait des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 9-1 d'ailleurs, donc très intéressant, qui maintenant rassemble pas loin de 1200 membres, dont lesquels je fais fièrement partie. C'est un autre article qui parle encore du fait que les grands médias commencent à un moment donné à questionner un peu plus. Ça, c'est de montrer un autre visage et puis espérons que ça va contribuer à l'éveil du reste de la population qui croit encore à la version officielle. Okay? On a un peu rattaché à ça aussi le cas de l'anthrax aux États-Unis. Apparemment qu'on aurait fermé le dossier là-bas. On aurait déterminé qui aurait été responsable de ça. Et puis, je reviens avec un article là-dessus qui explique qu'en réalité, on n'a jamais vraiment cherché à la bonne place. Il y a eu un cover-up total de ça aussi. Ça, les attaques de l'anthrax, c'est arrivé à la suite du 9-1, alors que les gens commençaient à poser plus de questions, à être un peu plus critiques. Donc, on est arrivé avec une autre opération de terreur pour faire en sorte que les gens joignent les rangs de la version officielle et puis qu'ils se mettent derrière l'administration Bush. Alors, vous savez, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une personne qui est sur vidéo, qui s'appelle le Dr. Philip Zack, une personne qui a été prise sur les systèmes de caméras de sécurité du laboratoire où il travaillait et d'où il aurait fort probablement lui-même volé l'anthrax pour, après ça, ben, faire les attaques. Alors, puis le Dr. Philip Zack a tout le temps été à l'écart des enquêtes du FBI. Alors, ça aussi, là, c'est toute une histoire assez incroyable. Et puis, je vous ai laissé tous les liens là-dessus pour que vous alliez les consulter. Et vous allez vous rendre compte qu'une chose qui est très claire, c'est que les lettres qui ont été incluses dans l'anthrax, dans lesquelles qui ont été mêlées à quelques personnes aux États-Unis, je ne sais pas si vous vous rappelez vraiment de l'événement, étaient écrites pour qu'elles aient l'air d'être écrites par des fanatiques arabes musulmans semi-alphabète, alors que maintenant on sait que l'anthrax lui-même était d'un grade militaire de très haute qualité qui venait d'un gouvernement, d'un laboratoire américain, un laboratoire gouvernemental américain, et que M. Hatfield, Assad et puis Ivins, qu'on a condamné dans la fausse enquête cover-up du FBI, ne sont pas des Arabes qui sont semi-alphabètes. Alors qu'au contraire, ce qui est très clair avec toute cette enquête sur l'anthrax, c'est que ça prouve sans l'ombre d'un doute qu'il y a toujours eu une conspiration pour blâmer les Arabes pour les attaques de terreur à l'intérieur des États-Unis. Okay? Donc, on a utilisé encore une fois des faux responsables qui ont l'air musulmans ou qui sont musulmans pour faire en sorte que la version officielle soit encore confirmée. Mais comme je vous dis, allez voir les liens pour vous rendre compte vous-même à quel point que toute cette enquête-là a été trafiquée pour blâmer les mauvaises personnes alors qu'on avait les preuves sur des vidéos de qui avait volé cet anthrax-là. Et puis que dès que les enquêtes publiquement, s'il faut s'en rappeler, il faut retourner dans les archives pour voir comment ça s'est passé exactement. Vous allez vous rendre compte que dès qu'on est arrivé sur la piste qui montrait que l'anthrax venait d'un laboratoire gouvernemental militaire américain, eh bien, Bush avait arrêté les enquêtes et puis on était passé à d'autres choses assez sec. Okay? Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, il faut faire l'addition de 2 plus 2 et puis trouver la réponse logique qui s'y trouve. Okay? Donc, c'est pas des théories de conspiration, c'est des conspirations qui sont documentées. Et écoutez, il faut pas avoir peur du mot. Là, quand c'est des choses qui se passent, c'est des choses qui se passent. Okay? Donc, voilà pour le petit volet sur le 9-1. Maintenant, on va y aller avec la santé. Il y a beaucoup de choses dans la santé que je vais essayer de vous passer. Et puis, la plus importante concernant ici le Québec, c'est la lutte contre la fluoration de l'eau qui va bon train. On remporte de plus en plus de victoires. Vous avez la ville de Saguenay qui a décidé de mettre sur la tablette son projet. Et puis, ça commence aussi à faire le reste des autres villes qui avaient l'intention ou qui parlaient de fluorer son eau. Alors, la tendance est à vouloir tout mettre ça sur la glace parce qu'on rencontre une opposition très forte. Alors, les gens qui travaillent très fort au Québec pour éduquer les gens et puis leur apporter les informations les plus pertinentes pour comprendre réellement ce que ça a comme conséquence et puis ce que ça implique de fluorer l'eau. Vous savez, ici sur l'autre monde, on a reçu Gilles Parent. Alors, ça, c'est un des vétérans qui est un des grands responsables avec son avec le mouvement auquel il participe qui s'appelle Au Secours et puis pour un eau saine au Québec. Gilles Parent, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici à 3 reprises. Alors, je vous invite à retourner dans les archives et puis aller retrouver ça, les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux dire, ça, c'est des émissions parmi les plus importantes, les grands classiques ici de l'autre monde. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est que encore là, M. Gilles Parent est apparu sur l'émission de Paul Arcand sur 98.5 FM. Et M. Parent, qui est co-auteur aussi de la fluoration autopsie d'une erreur, d'une horreur, la fluoration autopsie d'une erreur scientifique, et qui est aussi porte-parole du Front commun pour une eau saine, est allé faire une petite entrevue sur l'émission. Et puis, elle est très excellente à écouter, je l'ai mis en lien. Et puis, on apprend, c'est la nouvelle chose que vous devez entendre et puis comprendre de façon très claire. C'est qu'il semblerait que la fluoration de l'eau serait une chose tout à fait illégale. Okay? Il semblerait que le fluor n'ait pas les effets escomptés, comme le disent les grandes promesses des vendeurs du temple. Ça vient d'un petit article qui a été écrit sur le sujet. Et écoutez, je vais vous dire bien plus que ça. Non, c'est carrément illégal. Tout le monde se renvoie la balle, que ce soit du niveau municipal ou au niveau du ministère de la Santé, Santé Canada. On renvoie ça aux municipalités, tout le monde se renvoie la balle, mais la réalité, chers auditeurs, c'est qu'il n'y a aucune agence, il n'y a aucune municipalité, il n'y a personne qui permet et qui a établi des standards, okay, qui a fait des tests sur ça et puis qui s'est donné la peine de prouver l'innocuité du fluorure et puis même de ses bénéfices dans l'eau potable. Okay? Donc ça commence à être assez hallucinant, c'est-à-dire que la fluoration est considérée soit comme un aliment, si vous voulez, ou ben non, comme un médicament. Ben, et puis, dans le cas où on le traite au niveau de la scène publique, eh ben, c'est qu'elle serait interprétée comme étant un médicament, puisqu'elle est censée de prévenir la carie. Alors, dès qu'on assume une telle prétention, eh bien, il faut pouvoir l'appuyer, puis elle doit porter un numéro d'assertification. Et puis, vous savez, ça n'existe pas. Alors, en ce moment, c'est carrément illégal de mettre du fluorure dans votre eau potable. OK? C'est illégal. En réalité, je dirais que c'est même plus qu'illégal. Ça se trouve être une médication de masse. sans référence à qui va en boire et en quelle quantité, puis les sensibilités des différentes personnes. Alors, ça, c'est un crime très, très grave, OK, qui brime nos droits et libertés, là, la Charte des droits de l'homme. Alors, c'est très, très grave ce qui se passe. Et puis, ça aussi, c'est une autre affaire à ne pas prendre à la légère. Alors, je vous invite réellement à l'écouter cette courte entrevue et puis surtout à aller retrouver les trois entrevues de 1h30 avec Gilles Parent que j'ai eu l'honneur ici de recevoir. Alors, le plus hallucinant, vous allez entendre dans cette entrevue Paul Arcand qui s'indigne énormément que le ministère de la Santé, que j'appelle le mystère de la santé parce que ça devient un mystère avec eux autres, c'est quoi la santé? Le mystère de la santé a été invité 2 semaines à l'avance du show de Paul Arcand, OK? Donc, c'est comme on les avait invités là, à la dernière minute. Et le ministère de la Santé, qui affirme que la fluoration de l'eau est bonne pour la population, a refusé de venir défendre son point sur les ondes, OK? Et puis, vous savez, là, pour les auditeurs là, qui nous écoutent de la Belgique ou de la France, 98.5, c'est une des chaînes principales ici là, de radio au Québec. Alors, c'est pas une petite chaîne là, obscure là, dans le coin de la bande FM. Là. C'est une chaîne qui est bien connue. Alors, vous avez le ministère qui prétend être en bonne position de déterminer si la fluoration de l'eau est bonne, mais refuse de venir en débattre, de défendre son point dans une entrevue, dans un débat public sur une chaîne de radio. Alors, c'est assez honteux, je vais vous dire. C'est assez fantastique de voir à quel niveau là le ministère de la Santé est corrompu jusqu'à l'os. Écoutez, vous savez, c'est démocratie représentative, hein? Faudrait surtout pas oublier d'aller voter aux 4 ans, hein? Quel bullshit! En tout cas, le message est très clair pour la majorité du monde. Le ministère de la Santé n'a pas l'air d'avoir le courage ni les arguments pour défendre leur position. Un gros problème de crédibilité à l'horizon. OK, donc on va continuer. Donc, on parle ici de la grosse réforme de la santé aux États-Unis qui a été votée. Alors, au succès apparemment d'Obama, qui a fallu qu'il torde le bras de plusieurs personnes, dont un qui s'est reviré comme un gros coup de couteau dans le dos incroyable, Dennis Cuccini, qui dénonçait toutes ces affaires-là. Et puis, après un vol d'avion avec Obama, quand il était atterri, là, tout d'un coup, il était d'accord. Pour ceux qui connaissent Dennis Cuccini, c'était un peu un genre d'espoir, là, quelqu'un qui osait dire les choses telles qu'elles étaient au gouvernement, un congressiste, un peu comme Ron Paul. Mais très déçu de Cuccini, personnellement. Réellement, ça fait dur en maudit. Et puis, ça a passé par la peau des fesses, mais ça a passé, cette réforme de la santé, et puis on la présente comme étant, bon, un moment historique. Hein? Donc, Obama ne s'est pas gêné pour sortir les gros mots du garage, là. Un moment historique, c'est incroyable. Écoutez, c'est une des plus grosses fraudes de l'histoire. Ça va coûter 900 milliards de dollars aux Américains au moment où les États-Unis sont endettés à un point tel que ça va être absolument impossible à rembourser. Alors, on vient mettre de plus en plus de dettes sur le dos du gouvernement, donc du peuple, OK? On se comprend là-dessus. Et c'est loin de favoriser le peuple. En fait, c'est une belle victoire des compagnies pharmaceutiques, des grandes corporations, des compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce que finalement, ça vient obliger tous les Américains, surtout les plus pauvres, à prendre une police d'assurance. Alors, c'est le gouvernement qui va payer ça, mais le gouvernement, c'est le peuple, hein? Faut pas se faire d'histoire là-dessus. Et puis, si vous refusez de faire affaire avec le gouvernement, si vous refusez finalement de vous assurer puis de vous prémunir d'une assurance santé, eh bien, ce qui va arriver, c'est que là, on va former 16 500 nouveaux agents armés en technique de combat de l'IRS, qui est l'Agence de collection des impôts aux États-Unis. Et puis, on va leur donner des pouvoirs extraordinaires pour venir vous saisir à coups de crosse de fusil, puis en vous mettant à bout portant d'un canon. Et puis là, ben si vous refusez de vous abonner, eh bien, on va même vous taxer, vous donner des amendes qui vont monter à plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de dollars par année. Alors, bienvenue dans un état dictatorial de la santé corporative complètement hallucinant. Le gouvernement va même se donner le droit de décider quand est-ce que ça va être le temps pour vous de mourir. Alors, il y a une vidéo, allez voir, absolument renversante sur les nouvelles internationales, sur ce qu'est réellement cette réforme de la santé. Vous allez voir toutes les clauses qui sont incluses là-dedans, débile mental. Le gouvernement qui va se donner le droit de vie ou de mort, grosso modo, là, des gens qui vont être en phase terminale ou des trucs comme ça, ou des gens qui vont être à l'hôpital, peu importe pour quelle raison, là, parce que là, vous allez coûter trop cher, il va y avoir des limites auxquelles ils vont traiter vos maladies ou votre besoin en santé. complètement capoté. Je vous dis, c'est débile, c'est débile, c'est débile. Et puis, c'est tellement un bon plan de santé selon Obama. Écoutez, on dit que c'est à la hauteur de ce que les congressistes ont. Mais Obama, lui, par contre, n'a pas besoin d'être soumis à cette nouvelle loi slash réforme de la santé, ainsi que certains congressistes et certaines personnes au placé du gouvernement. Alors, c'est bon pour le reste du peuple, mais c'est pas assez bon pour Obama. Obama, lui, il y a quelque chose d'autre, tu sais, c'est spécial, hein? Donc, cette réforme-là ne va pas s'appliquer à la famille Obama. Eh oui, donc, vous avez tous les liens concernant ça. Il y a d'autres articles ici qui parlent qu'Obama a encore transvesti une promesse préélectorale qu'il avait faite alors qu'il avait promis qu'il donnerait au public un délai de 5 jours d'inspection de tous les nouveaux projets de loi qui arriveraient de son bureau. Alors, Obama, qui a encore craché au visage des Américains, transgressant une de ses promesses qu'il a faites pour plus de transparence. Alors, disons que ça fait... Obama, ça fait dur, hein? Yes, we can. C'est pauvre. C'est très, très pauvre. Alors, allez voir ça. Vous avez énormément d'articles là-dessus. Et puis là, pendant qu'on a réussi à mettre le doigt dans le derrière des Américains, parce que vous savez, la majorité des Américains sont contre ça, les congressistes recevaient des dizaines et des centaines d'emails, de courriels par jour d'Américains qui refusaient absolument cette, en parenthèse, fausse réforme qui était tellement dénaturée qu'il n'en restait plus rien à la fin. Donc, le peuple américain qui était contre ça majoritairement, on l'a passé pareil, et puis là, ça va voler encore plus d'argent du peuple américain pour le transférer vers les compagnies privées d'assurance et de Big Pharma. Et maintenant qu'on a ouvert le passage, qu'on a réussi à enfirouaper, pour être poli sur les ondes, les Américains, passer un sapin royal, et bien là, vous allez voir une poussée qui est déjà amorcé, dont de la part de John Kerry et puis de d'autres personnes dans le gouvernement, pour maintenant pousser la taxe sur le carbone, OK, qui est bien refusée encore, qui est rejetée par la majorité des Américains, mais qu'on veut passer de toute façon parce que, écoutez, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. On doit aller chercher un maximum d'argent dans les poches de la classe moyenne avant que tout le système s'écroule, OK? Alors, c'est une autre façon pour aller chercher plus de pouvoir, pour aller chercher plus d'argent. Et puis, on va essayer de profiter du momentum qui a été créé par le passage de la réforme de la santé pour aussi passer la taxe sur le carbone. Alors, beaucoup de bullshit qui se passe, OK? C'est à suivre. Et puis, allez voir tous les articles là-dessus. Et ne vous en faites pas, là, le gouvernement va avoir la main mise sur toutes les informations médicales personnelles des Américains. Okay, donc, ça va donner des provisions qui sont inconstitutionnelles pour le gouvernement de surveiller, d'avoir toutes les informations personnelles sur les Américains et va utiliser l'IRS comme un bras de force pour faire appliquer la loi. Alors, c'est très, très grave ce qui se passe là-bas. Donc, vous avez, comme je vous disais, un paquet de nouvelles là-dessus. On va donner un budget supplémentaire de 10 milliards de dollars à l'IRS. Donc, on va vraiment former une nouvelle arme, un bras armé au gouvernement pour aller chercher non seulement plus d'argent dans les poches des Américains, mais en plus armer l'IRS, qui en ce moment a un gros problème de crédibilité parce que le 16e amendement n'a jamais été réellement ratifié aux États-Unis, ce qui permettrait au gouvernement d'imposer les Américains. Alors, il y a une grosse révolte contre ça. Alors, en même temps, ben, ça va servir d'avoir 16 500 goons armés pour essayer de mater la résistance, hein? Alors, ben oui, c'est, écoutez, là, on habite dans une corporocratie. Alors, la dictature par le secteur privé, l'hypercapitalisme, dans le fond, qui est en train de prendre contrôle, il a déjà pris le contrôle, ça fait longtemps, là, mais est en train de sortir ses gros crocs publiquement, puis on est en train de voir la vraie face de la bête hideuse à laquelle on fait face. Et il va y avoir une résistance à ça. Vous avez quand même ici 14 États qui ont décidé de poursuivre en cours le fédéral aux États-Unis pour se faire imposer finalement une réforme de la santé. Et en disant que de ces 14 États-là n'étaient pas constitutionnellement soumis au dictat du fédéral. Alors, il va y avoir des résistances, ça, c'est certain. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance. On a ici une autre nouvelle qui parle des bureaux d'un des représentants au gouvernement américain qui s'appelle Giffords, qui ont été vandalisés par certaines personnes et par rapport à son vote pour la réforme de la santé. Alors, je ne crois pas que ça va être le dernier bureau non plus qui va être saccagé. Vous allez avoir des Américains qui vont être très, très, très fâchés de ce qui s'est passé. Ça, c'est absolument certain. Dans un autre sujet, on a un article, c'est du Guardian en Angleterre qui nous parle comment la nourriture et puis l'eau sont ce qui est en train de mener une grande prise de possession des terres arables en Afrique. OK? Donc ça fait aussi quelques fois que j'en parle sur l'autre monde. Alors vous avez des nations africaines qui vendent de leurs meilleures terres arables pour différentes multinationales hyper puissantes des pays occidentaux qui achètent ces places-là et puis après ça font pousser de la nourriture qu'ils rapatrient à la maison, dont l'Angleterre. Alors, ça concernait aussi spécifiquement dans cet article-là le cas de l'Angleterre. On parle ici là d'une enquête du Observer qui révèle que les pays riches font face à un manque, peut-être une pénurie de nourriture globale et qu'on est en train de cultiver des fermes qui sont de la grandeur, de la taille, du double de la superficie de l'Angleterre pour garantir un apport en nourriture pour ses citoyens. OK? Donc ça c'est assez hallucinant. Dans cet article, on apprend que l'Éthiopie fait partie de 20 autres pays africains où on a vendu des quantités incroyables de bonnes terres arables à des compagnies occidentales et qui représentent une prise de possession des terres qui ne s'est pas vue depuis l'ère coloniale. C'est assez spécial. Alors, je vous invite à aller voir cet article aussi. Dans un autre article, on apprend que le quart de tous les grains qui sont cultivés aux États-Unis sont utilisés pour remplir les réservoirs à essence des voitures. Alors ça, c'est selon les nouvelles enquêtes d'une analyse du département de l'agriculture en 2009 aux États-Unis. Alors, on en vient à la conclusion que les carburants basé sur l'éthanol impacte la chaîne alimentaire et puis surtout la quantité de nourriture qu'on a est aussi liée d'une certaine façon à cette pénurie de nourriture à laquelle les pays occidentaux font apparemment face et pour laquelle ils se dépêchent à prendre possession de toutes ces terres en Afrique. Alors voyez que ces choses-là se soutiennent mutuellement. On apprend que Monsanto a admis aussi que leur technologie ne fonctionne pas lors de modifications génétiques de différentes cultures comme le coton et puis le maïs. Alors, on apprend que les plantes étaient pour mieux pousser, donner plus de quantité de nourriture et qui étaient pour avoir une réduction dans l'utilisation des pesticides. Mais alors, on vient d'admettre de la part de Monsanto qu'on a un genre de vert rose en Inde qui a développé une certaine résistance à cette Roundup, à ces insecticides qui vont avec les graines de coton, par exemple BT, modifiées par Monsanto. Et puis, on est obligé d'utiliser de plus en plus de pesticides, alors plus de toxines qui rentrent. Et on a aussi des baisses de production et des gens qui sont tombés malades suite à la consommation de ces produits-là. Alors, très, très grave. Nouvelle à consulter. Dans un autre article qui nous provient de l'Australie, on apprend que Patrick McGorry, qui est un psychologue australien, réclame cette année, écoutez, la personne est assez bien connue là, dans les milieux là-bas, qu'il réclame des millions de la part du gouvernement pour fonder ce qu'on pourrait appeler le meilleur des mondes, comme le livre d'Aldous Huxley, pour droguer les enfants, pour les mettre sous médication, une prémédication. Alors, souvent, on donne, vous savez, des trucs comme le Ritalin, des antipsychotiques et des antidépressants à des jeunes. Et lui, ce gars-là, il est en train de dire, il est en train de suggérer que on devrait faire en sorte que non seulement on met les enfants sur ces antipsychotiques, mais aussi faire de la prévention, alors les mettre sur ces médicaments-là avant même qu'il y ait des problèmes. Alors, bravo, bravo, bravo. Voyez ce genre de psychologue malade mental qui décide de vouloir droguer tous nos enfants. Alors, méfiez-vous de ces gens-là. Ça, c'est peut-être un petit conseil de l'autre monde. Donc, voilà encore ici un but bien affiché, hein, donc d'augmenter les profits en vendant des médicaments à des personnes qui sont parfaitement en santé, dont des enfants, OK? Alors, vous devez comprendre que ces gens-là, comme Patrick McGorry, est aussi fondé par et puis soutenu par Big Pharma. Alors, vous avez des liens dans l'article à faire aussi. Donc, vous voyez, ces personnes-là qui arrivent sur la place publique ont des liens avec Big Pharma et puis après ça, ils disent qu'on devrait droguer vos enfants en bas âge pour prévention. Alors, méfiez-vous de des personnes instables mentalement comme ça. La CIA On parlait de droguer les enfants comme si le gouvernement ne ferait pas ça. Ben là, je vous ai sorti quelques petits articles ici, très, très bien documentés, avec toutes les références à des documents officiels américains sur des programmes biologiques et chimiques qu'on a tenus aux États-Unis. Et on a testé certains médicaments et produits chimiques sur les gens, mais des produits aussi biologiques. Alors, vous savez, c'est assez incroyable. On pense que le gouvernement ne ferait pas ça. On pense que le gouvernement ne pourrait jamais être derrière des attaques terroristes. On pourrait jamais croire que le gouvernement et les services secrets ont fait des affaires comme le 9-1, OK? Mais détrompez-vous, on est documents très solides, des documents officiels gouvernementaux. Alors, il n'y a pas moyen, là, de réfuter ça. Là, ça vient de la bouche même du loup. Et on apprend dans ces documents déclassifiés que la CIA a déjà eu et déjà mené des tests de médicaments sur la population. Bon, donc on apprend ici des tests de LSD qui ont été faits sur des gens qui étaient non consentants. On a fait des expérimentations. Alors, on avait puni les supposés très mauvais nazis pour avoir fait ça. Mais ici, aux États-Unis, ça s'est fait. Et puis, c'est correct, OK? Donc, vous allez voir plusieurs articles qui ont été menés là-dessus avec différentes universités comme Harvard dans les années 50 et 60. Et ça s'est même amené jusqu'ici à Montréal, OK? Donc, on a même participé à ça. C'est tout ce qu'il y a de plus fantastique. Alors, on a même testé aussi des médicaments sur des vétérans de la guerre, avec des médicaments qui avaient des sévères effets secondaires comme la psychose et puis qui donnaient des comportements suicidaires. C'est des choses qui sont réelles, OK? Donc, on a fait des expérimentations médicales sur des soldats en détresse, bien souvent, sans consentement, qui revenaient de la guerre en Irak et en Afghanistan. Ça a été rapporté aussi par le Washington Times, puis un article de ABC News, OK? On a un autre article ici qui vient de History Common sur le fait que l'armée américaine a fait des tests d'armes biologiques sur la population. Alors, ça, vous avez plusieurs exemples. Et puis là, allez voir l'article, là. Je vais au défi d'aller vérifier ce que je vous avance ici, là. Pas besoin de me croire, là. Il faut aller voir avec vos propres yeux et puis les lire. Vous avez un article ici qui détaille et puis donne les références à plusieurs programmes qui ont été déclassifiés. Alors, tout ça est bien documenté. On apprend ici, par exemple, qu'en 1968, un sous-marin avait répandu des bacilles sur une partie de Oahu, en Hawaï. Alors, ben oui, c'est des genres de fungi, des genres de petites spores qu'on a répandus. Dans une autre expérimentation en 1956 et 1958, on a appris que l'armée a relâché des moustiques qu'on avait infectés avec une sorte de fièvre. Et puis, écoutez, là, on a relâché ça dans la nature pour voir qu'est-ce que c'était pour faire. Les gens se font piquer. Après ça, on étudie les effets. Donc, c'est super. On trouve ça génial. Ensuite, une autre étude ici, entre 1962 et 1973, où les États-Unis ont tenu des tests biologiques et chimiques en Floride sur des civils qui ont été possiblement exposés. Ça a été même rapporté par Reuters. Et une autre expérience entre 1962 et 1973, où on a tenu de tels tests sur des tests d'armes chimiques et biologiques à Puerto Rico. Alors, on a relâché des armes biologiques sur la population civile, OK? En 1965, ben, on a aussi répandu des agents biologiques sur des baraques militaires en Hawaï. Alors, ça, c'est le projet 112. Alors, dans un autre article ici, c'est la même affaire. On a encore relâché la fameuse grippe tropicale qu'on appelle le petit palu ou la dengue, qui est une forme de fièvre hémorragique. Okay? Donc, c'est de quoi de très grave et potentiellement mortel. L'aggravation des symptômes hémorragiques, généralement pour les enfants de moins de 15 ans, conduit vers la dengue avec choc. Okay? Donc, vous avez toutes les informations que vous pouvez trouver là-dessus. Donc, voyez, là, on se gêne pas pour faire des expérimentations comme ça sur la population. Dans un autre article publié en 2002 par Reuters, on apprend que l'armée a admis avoir fait des tests de germes en Grande-Bretagne. Un autre article qui est sorti dernièrement, ça a été des tests de de LSD qu'on introduit dans la chaîne alimentaire. Je crois que c'est dans le pain et certains autres produits alimentaires dans une ville en France. Alors, non, on se gêne pas, OK? On se gêne pas de faire des tests sur vous. Et puis, la population civile n'est pas un grand souci pour la majorité du gouvernement et puis les services secrets, OK? Ça, c'est de quoi vous mettre dans la tête, là. Si vous pensez qu'on veut encore votre bien à ce niveau-là, j'ai une belle propriété en face de l'océan sur la Lune à vous vendre, OK? Ça, c'est pas trop cher, j'ai un bon deal pour vous autres. On apprend dans un autre article ici du Guardian, qui vient toujours d'Angleterre, qu'on a trouvé, dans un rapport, des liens entre les vaccins et puis le syndrome de la guerre du Golfe, OK? Donc, ces vaccins-là qui contiennent des cocktails de produits toxiques comme le scalène et puis du mercure et d'autres affaires comme ça. Alors, ben oui, les vaccins sont bons pour vous, hein? Le H1N1, il est passé où d'ailleurs? Je t'avais écrit un article là-dessus. C'est incroyable, le H1N1 qui a complètement disparu après Noël, et puis on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire qui était censée tuer des millions de personnes à travers la planète. Hein. On parlait des sacs à mort, et puis tout le monde était pour tomber malade. On a fallu vacciner les infirmières de force, et puis, oh mon Dieu, c'était terrible. Et puis là, si vous vouliez que votre famille survive, et puis si vous aimiez vraiment vos prochains, il fallait vous faire vacciner, et puis blablabla. Hein, vous vous rappelez de toute cette grande hystérie-là, zap, tout est disparu. Les gouvernements sont prêts avec des stocks hallucinants de vaccins. Vous savez, le gouvernement hollandais qui veut vendre 21 millions de doses de vaccins contre le H1N1, on n'arrive pas à les vendre, alors on veut les donner, c'est complètement débile. On a quand même poursuivi la campagne publique dans certaines places, comme au Kentucky. Vous avez le département de la santé publique qui a passé une annonce à la télévision il y a quelques semaines qui peignait encore les sceptiques contre la grippe porcine, OK, le H1N1, comme des gens qui sont des lunatiques, OK, donc c'est assez spécial. Alors, rappelez-vous ce qui s'est passé et puis apprenez un peu de ce qui se passe. Vous avez même l'OMS qui apparemment va ouvrir une certaine enquête sur elle-même par rapport à ses agissements. Mais écoutez, on se pose pas trop de questions à savoir à quelle conclusion et à laquelle ils vont en venir. Donc, vous voyez que le gouvernement est sur la défensive, hein, donc on essaie de se défendre. Et puis, ça révèle encore là un peu le caractère de ce qui se passe. Ensuite, vous avez un autre article ici qui vient du Independent de l'Angleterre où on apprend qu'il y a une furie qui est en train de passer sur l'Europe parce que l'Europe a approuvé les patates modifiées génétiques. Alors, même si la majorité de la population s'oppose à certaines choses comme les OGM, eh bien, le gouvernement s'en fout et on introduit quand même ces produits-là dans la chaîne alimentaire. En Inde, les OGM ont causé des ravages assez incroyables. Vous avez 125 000 fermiers qui se sont suicidés à cause de ça. Ils se sont fait laver, ruiner ben raide après que ça s'est impliqué dans ce cycle infernal des OGM. Parce qu'un coup que vous êtes embarqué là-dedans, vous n'êtes plus autorisé de récolter les graines, de les ressemer l'année d'après. Vous devez les racheter puis utiliser tous les produits de Monsanto. Alors ça devient tellement coûteux que les fermiers se ruinent ben raide, surtout quand que les récoltes finalement ne portent pas autant qu'elles étaient censées. Des fois, ne rapportent absolument rien. Alors les pauvres petits fermiers, ben ils se retrouvent tellement endettés qu'ils ne sont plus capables de vivre et puis préfèrent se suicider. Alors, il y a une grosse contestation en Inde par rapport aux OGM. Et puis là, vous avez une loi qui a été passée en Inde qui ferait que toute critique des récoltes et des cultures d'OGM serait passible d'emprisonnement. OK? Alors, vous critiquez les OGM en Inde, bang, vous rentrez en prison. Alors, vous voyez comment qu'on agit encore. Alors, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, la vérité n'a pas besoin de loi pour être soutenue. La loi est évidente par elle-même, OK? Donc, quand on veut supporter des mensonges et puis des fraudes, eh bien, c'est là qu'on passe des lois, OK? Donc, vous voyez encore un autre exemple de ça. Dans un autre article de Natural News, on apprend que les OGM causent des dommages aux reins et puis au foie, OK? Donc, ça, c'est des affaires qui sont très importantes pour vous, là, si vous mangez des produits de l'épicerie. La majorité des produits à l'épicerie, au moins 80% de la chaîne alimentaire contiennent des OGM, des fois sous des noms qui vous seraient très, très improbables pour vous de détecter comme étant des produits OGM. Alors, il faut s'éduquer. Il y a des guides qui existent sur Internet. Allez les télécharger et puis commencez à manger sainement. Commencez à faire pousser votre jardin pour manger des produits. Faites attention à ce que vos graines soient complètement biologiques. parce qu'il y a des menaces, je veux dire, assez importantes quand on a des études qui ont révélé que les OGM modifient les organes internes de souris de laboratoire, OK? Alors, il y a fort à parier que c'est la même affaire pour les humains, et puis on nourrit nos corps avec ça, le corps de nos enfants. Alors, il y a beaucoup à réfléchir à ça. Donc, ça va être tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et puis, la semaine prochaine, on va y aller avec un autre grand coup dans l'actualité. On va donner un peu d'économie. Et puis, on va essayer d'aborder tranquillement le dossier du réchauffement climatique là, avec la fin de l'hiver. Donc, on va faire un bilan un peu de ce qui s'est passé à travers le monde cet hiver. Et puis, de toutes les nouvelles qui sont sorties dans le fameux scandale du Climate Gate. Alors, un très lourd dossier encore à suivre. Et puis, vous allez voir la semaine prochaine encore tout plein d'informations très brûlantes et très explosives. Alors, ne manquez pas ça. Soyez de retour la semaine prochaine. Alors, je vous salue bien bas. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Je vous embrasse. La santé est le meilleur pour vous. Je vous adore. Et puis, n'oubliez pas de diffuser les informations. N'oubliez pas d'aller sur YouTube aussi. Toutes les vidéos sont là, disponibles. Vous pouvez partager ça avec tout le monde. Et puis, faites en sorte que la vraie information... l'information documentée, l'information valable circule, OK? Donc, je vous remercie pour tous les efforts aussi que vous mettez par rapport à ça. Donc, un autre merci aussi à tous les collaborateurs qui font en sorte que ces choses-là fonctionnent, dont mon ami Stéphane qui m'aide à mettre en ligne ses vidéos YouTube et puis toutes les autres qui m'alimentent, tous les auditeurs qui m'écrivent des courriels. Donc, c'est vraiment fantastique. On est là, on est ensemble et puis c'est comme ça qu'on grandit. Alors, c'est fantastique. Prenez soin de vous autres. Bye-bye! Barrio dejado, llano de las damas, y esa calle de la parisiana.